يمشي تسجد يمارس نعم خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واحد عنده ترجمة؟ لا طارق تبى ترجمة؟ أديل تبى دوني؟ بوان 139 صح؟ قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوان. Donc il dit en fait, quand tu vois quelqu'un qui est ardent, qui est régulier quant au fait de prier en groupe, par exemple, sache que c'est un adepte de la sunna inshaAllah. Et si tu vois le contraire, sache que c'est un adepte de la passion. Wallahu a'lam. Sharh explication. قوله وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى، أي إذا رأيت الرجل يحافظ على صلاة الجماعة مع السلطان ومع غيره. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un qui est assidu à la prière en groupe, que ce soit le fait qu'il prie derrière le gouvernant comme à l'époque ça se faisait, aujourd'hui ça se fait plus, Allahu alam, nulle part, ou alors avec quelqu'un d'autre. Le muhim c'est quelqu'un qui est assidu à la prière en groupe. فهذا دليل على أنه من أهل السنة ومن أهل الإيمان. Ça c'est un bon signe. C'est un bon signe qui prouve que c'est quelqu'un qui est attaché à la sunna, attaché à sa religion. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. الله dit dans le Coran, sourate numéro 9, verset numéro 18. Le sens, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتعلق قلبه بالمساجد أنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. Et il dit, le prophète صلى الله عليه وسلم a cité parmi les sept que Allah mettra sous son ombre. يوم القيامة, le jour de la résurrection, il a cité, فقال ورجل قلبه معلق بالمساجد. Parmi les sept, il a cité un homme dont le cœur est attaché aux mosquées. Hadith fi sahihain min hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu. Fartiyad al-masajid li ada'i salat al-jama'ati 'alamat al-iman wa 'alamat ahli as-sunnah. Irtiyad al-masajid, c'est quelqu'un qui est régulier, qui est constant, assidu quand on fait d'aller à la mosquée pour faire la prière en groupe. C'est un bon signe. C'est un bon signe de iman, c'est un bon signe que c'est quelqu'un qui est attaché à la sunna, à sa religion. والذي يعتزل الصلاة مع المسلمين ويرى أن المسلمين ليسوا على حق وأنها لا تصح الصلاة معهم هذا لا شك أنه مفارق لجماعة المسلمين ومشاق لله ولرسوله وللمسلمين. Il dit, et le contraire pour le contraire, quelqu'un qui s'éloigne des musulmans, quelqu'un qui s'éloigne quand on fait de prier en groupe à la mosquée, ou qui dit que les musulmans ne sont pas sur la vérité, ou bien le fait de prier avec eux en groupe, ce n'est pas valide. C'est quelqu'un qui a quitté le groupe des musulmans, qui s'est, on va dire, détaché ou divisé d'Allah, de son messager et des musulmans. ولذلك تجدون أهل الأفكار المنحرفة لا يقربون المساجد ولا يصلون مع المسلمين. C'est pour ça que vous voyez des sectes, certaines sectes, qui ne s'approchent pas des mosquées, qui ne prient pas avec les musulmans. بل بعضهم يحكم ببطلان صلاة المسلمين. Certains même d'entre eux disent que la prière qui est faite à la mosquée, elle est nulle, elle n'a pas de valeur. فهذه علامة الشر, علامة الشر. Ça c'est un signe mauvais. وعلامة الانحراف وفساد العقيدة والانشقاق. Il dit donc, ça c'est un signe qui montre la déviation de cette personne-là, qu'il a une conviction qui est erronée, qui est fausse. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Sourate 4 verset 115. Quiconque fait scission d'avec le messager après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer, et quelle mauvaise destination. المسلم يكون قال تعالى يا أيو قال الشيخ وفقه الله فالواجب على المسلم أن يكون مع المسلمين. L'obligation qui incombe le musulman, c'est de rester avec les musulmans. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Allah dit dans le Coran: vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les gens véridiques. Surat 9, verset 119. Le muslim yakounu ma'al muslimin. Musulman reste avec les musulmans. Voilà, yan'azilu wa yanfarid. Faut pas qu'il s'écarte. Et yanfarid, c'est-à-dire il reste seul. Wa yakounu ma'a jama'atin. Yanhazuna wa yusbihuna mun'azilin anil muslimin. Et il faut pas qu'il soit avec un groupe, yanhazun, c'est-à-dire qu'ils se mettent à l'écart. Yusbihuna mun'azilin anil muslimin. Ils se mettent seuls. Ils s'éloignent des musulmans. هذه علامة الهوى والشر وفساد الفكر والانحراف. Ça c'est un signe de déviation, un signe mauvais et qui informe, yani que c'est quelqu'un qui suit sa passion, qui est un signe yani distinctif et c'est quelqu'un qui n'a pas yani des signes de piété de droiture. قوله l'auteur dit وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فعلم أنه صاحب هوى. Tu vois quelqu'un qui prend la légère ou qui néglige les obligations, notamment la prière en groupe à la mosquée, même si c'est avec sultan, même si c'est avec le gouvernant, sache que c'est un adepte de la passion. إذا رأيت الرجل يترك صلاة الجماعة فإن كان يتركها مع السلطان فهو صاحب هوى وهو من المعتزلة والخوارج الذين يكفرون ولاة المسلمين بالمعصية. Donc il dit, s'il délaisse la prière en groupe, s'il la délaisse, parce que c'est le gouvernant qui la dirige, c'est un sahibu hawa, c'est un suiveur de sa passion qui fait partie d'une secte comme le Mu'tazila ou bien le Khawarij ou bien d'autres qui déclarent que les gouvernants musulmans ils sont kuffar, dès qu'ils font un péché ils sortent de l'islam. Amma idha kana ya'tazilu al-jama'ata ma'a ghayri as-sultan fa huwa munafiq. Et si jamais il s'éloigne du groupe des musulmans et de l'imam, etc., il y en a qui dirige la prière à la mosquée, c'est un signe d'hypocrisie, c'est un hypocrite. Il y en a un nabi qui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, athqalu salawati ala al-munafiqin, salatu al-isha wa salatu al-fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les salats les plus lourdes, les plus rudes, les plus difficiles sur les hypocrites sont la prière de l'isha et la prière du fajr. Fa'adda at-takhalluf 'an as-salat nifaqan. Il a cité que celui qui s'attarde, qui ne vient pas prier en groupe à la mosquée, c'est de l'hypocrisie. حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, tel point que عبد الله بن مسعود a dit, ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. Il dit dans le sens, certes, nous avons observé à ce sujet, ne s'attarde à la prière en groupe qu'un hypocrite qui est connu pour son hypocrisie. فالذي يتخلف عن صلاة الجماعة من غير عذر هذا دليل على نفاقه. Celui qui s'attarde à la prière en groupe sans excuse, ça montre son hypocrisie. لأن المنافقين يتخلفون عن الصلاة خصوصا بالليل. Parce que c'est un signe d'hypocrisie qui est cité dans le hadith. Et les hypocrites s'attardent, ils ne viennent pas faire la prière en groupe, surtout les prières de nuit, يعني العشاء et le فجر. لأن الليل لا يراهم أحد. Pourquoi? Parce que la nuit personne ne les aperçoit. أما بالنهار فيحضرون. Par contre en journée ils sont présents. لأن الناس يرونهم. Parce que les gens les voient. وهم يرون بأعمالهم وينافقون. Et donc les hypocrites sont là pour faire d'ostentation, pour se montrer, et c'est que de l'hypocrisie sur hypocrisie. Aussi le problème par rapport aux personnes qui n'arrivent pas à se lever au fajr, qu'est-ce qui rentre dans ce hadith? C'est-à-dire c'est souvent, pas une fois, mais deux fois, c'est souvent. Ana li na'raf, les ulama disent celui qui fait l'asbab pour se lever il se lève pas. C'est pas comme quelqu'un qui fait pas l'asbab pour se lever et il se lève pas. Hatta Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah yara, il cite que celui qui rate une salat, que ce soit le fajr ou autre, mais le fajr par exemple, et il n'a pas fait l'asbab, il n'a pas fait les causes pour la faire à l'heure, au moins à l'heure, à la maison, etc. Il dit il n'a pas de rattrapage. Il n'a pas à la rattraper. Même s'il l'a fait, il dit Cheikh, même s'il l'a fait mille fois, la tuqbal. Elle n'est pas acceptée. Ça c'est une parole minoritaire. La majorité des savants disent tuqda, tu la rattrapes même dans ce cas-là. Mais يعني نعرفوا هذا هو حتى شيخ نجمي لعلك سمعت صوتي يعني audio هكا واحد يبارل de quelqu'un justement qui se lève qui fait salat le fajr après le lever du soleil. Le cheikh il est étonné هكا, il dit un musulman qui fait la prière du fajr après le lever du soleil. Il dit comme si c'est quelque chose de comment dire, d'impossible ou d'incroyable. c'est un signe d'hypocrisie. Un sahaba, radiyallahu anhum, à l'époque, quand quelqu'un il vient pas au fajr, yadunnun fihi su, directement, il pense du mal. Il pense de lui l'hypocrisie, il pense de lui le shihada. T'as vu dans l'athar de Abdullah ibn Mas'ud, fi sahih muslim, à la fin, wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. C'est un signe d'hypocrisie clair, quelqu'un qui vient pas. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas les lampadaires, etc. éclairés. Donc, quelqu'un qui vient au Fajr ou au Isha, il se peut qu'il ne soit pas aperçu. Il a prié, il est parti. Contrairement à moi. Maintenant, tu vois les gens qui sont là et les gens qui ne sont pas là. Allahu Alam. Mais la mosquée, c'est clair, on voit qui est là, qui n'est pas là. Zaman, il n'y avait pas. C'était pas éclairé comme maintenant. Hadith de Aisha, Kanu Sallon Abi Ghalas. Tu remarques pas. Tu remarques pas la personne, tu ne la reconnais pas, tu vois une silhouette mais tu ne reconnais pas c'est qui, si ce n'est la personne qui prie à ta droite ou à ta gauche, et sinon quelqu'un qui prie à l'écart, tu ne reconnaissais pas. Non, wallahu alam. Cheikh Ibn Hussein Abbad il dit en 24 heures tu vois quelqu'un, des signes positifs ou négatifs. Si c'est quelqu'un qui est attaché à Salat al-Jama'a, quand c'est l'heure de la prière, il va et tout ça, il dit c'est un bon signe. Et si c'est pas quelqu'un qui est comme ça, c'est un mauvais signe. Il dit en 24 heures, tu tranches sur une personne. Ça veut pas dire que la personne qui est attachée à Salat al-Jama'a, qu'elle est bonne. Mais c'est un bon signe déjà. Et le cas contraire, c'est un mauvais signe. Salat, c'est le pilier le plus important. Ba'd shahadatayn. Ba'd al-ulama, ja'alahum shart sihha, comme Ibn Hazm. Ibn Hazm, il dit que si tu pries pas en groupe, alors que t'as pas d'excuse, Salat, bat est là. Tu peux prier à la maison, ta prière elle est nulle. Qawl marjouh, hada intasara lahu Cheikh l'Islam. Ibn Taymiyyah yara hada, il voit cette opinion. Mais la plupart des savants, surtout nos savants contemporains, ils disent que c'est une obligation. Celui qui ne l'a fait pas, il est pécheur. Mais ce n'est pas une condition de validité. Yani, comme quoi quelqu'un s'y prie chez lui à la maison, sa prière elle est nulle. Mais ça là, c'est très, très important. Yani. Mais elle est nulle, si là, il ouais. Va aller à la mosquée, il ne l'a fait pas à la mosquée. Oui. S'il si l'a fait chez lui, non. La mosquée elle est nulle. Voilà, s'il a prié Annie seul chez lui et tout ça, sans excuse, il dit sa prière elle est nulle. C'est pas la parole la plus considérée, mais il faut savoir qu'il y a des ulama, ils sont arrivés à ce point-là. C'est-à-dire que celui qui n'a pas d'excuse et qui n'a pas prié en groupe, sa prière est nulle. Donc c'est pas un sujet à prendre à la légère. Naam. قال المؤلف رحمه الله والحلال ما شهد عليه وحلفت ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. Il dit donc halal c'est ce sur quoi tu témoignes et tu jures que c'est halal, et le haram également. Est-ce qui se حاك في الصدر, c'est-à-dire ce qu'il y a dans ton fort intérieur et qui te tracasse, c'est une équivoque, c'est entre. الشرح explication. قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le halal est clair, le haram est clair, c'est-à-dire le licite est clair, l'illicite est clair, et entre ces deux, il y a des choses qui sont ambiguës. هناك حلال لا شك فيه. Il y a des choses qui sont halal, il n'y a pas de doute dessus. Quel khubz, comme le pain par exemple. وهناك حرام لا شك فيه. Il y a des choses qui sont interdites, بينين, comme le khamr, l'alcool. وهناك قسم ثالث مشتبه لا يدرى هل هو حلال أم حرام. Il y a d'autres choses. Troisième catégorie de choses qui sont ambiguës. C'est pas si ça tire plutôt vers le halal ou plutôt vers le haram. Et cela, il ne connaît que les connaisseurs, les savants. La plupart des gens ne savent pas caser ce type de catégorie. À ce propos-là, c'est quoi que, comment tu dois agir? C'est tu dois t'abstenir jusqu'à ce que tu interroges ou que tu cherches à son sujet. Cette chose-là, elle est halal ou elle est haram. Fal halal ou ta'khuduh, wal haram ou tatajannabuhu. Ce qui est halal, tu le prends. En tout cas, tu as le droit de le prendre. Et ce qui est haram, tu t'en écartes. Qala alayhi salam, al-ithmu ma haka fil qalb, wa kareh tan yattali alayhi nas. Il dit le péché, le prophète alayhi salam dit, le péché, c'est ce qu'il y a dans... c'est ce qui te tracasse dans ton cœur, dans ton fort intérieur, et tu détestes que les gens voient cela de ta part. Il y a quelque chose que tu fais, quelque chose que tu dis, ça te tracasse, tu ne veux pas que les gens te voient faire cette chose-là ou dire cette chose-là, sache que c'est un péché. Cette chose-là, tu n'y es pas apaisé. وعدم الارتياح وعدم ارتياح نفسك له دليل على أنه فيه شبهة. Minimum qu'on peut dire, c'est que le fait que tu ne sois pas apaisé à cette chose-là, c'est que c'est quelque chose d'ambigu, d'équivoque. Donc, فعليك أن تتركه. Quelque chose qui est ambigu, équivoque, tu dois t'en écarter. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. أي اطمأننت إليه ولم يساورك شك فيه. Donc il dit, halal, c'est quelque chose sur quoi tu témoignes, tu affirmes, tu es apaisé de cette chose-là et tu n'as pas de doute qui te trouble à son sujet. Hatta annaka tahlifu alayhi annahu halal, tel point que tu peux jurer ouvertement que cette chose-là est halal, liannahu bayyin, parce que c'est quelque chose de clair, d'apparent. Kama qala alayhi salam, al halal bayyin. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith al-Nu'man, al halal bayyin, al halal est clair, apparent. قوله وكذلك الحرام. Et pour le haram c'est pareil, l'interdit, l'illicite. الحرام أيضا بين مما نص على تحريمه. Haram également, c'est clair ce qui est haram. Est clair ce sur quoi il y a des textes clairs religieux qui citent le caractère interdit. كالميتة, comme la bête morte. والخمر, l'alcool, le vin. ولحم الخنزير, la viande de porc, le porc. هذا حرام بين لأن الله حرمه. Tout ça c'est des choses qui sont interdites. Il y a des textes à l'appui qui viennent montrer caractère interdit, c'est clair que c'est interdit. قال المؤلف وقال المؤلف رحمه الله والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. يعني l'auteur رحمه الله dit que celui le mastour, quelqu'un qui est caché, donc on ne connaît pas son état, c'est quelqu'un qui est caché dont on ne connaît pas son état. Et le mahtouk, c'est le contraire, c'est quelqu'un justement dont on connaît son état et dans le mauvais sens. On sait que c'est quelqu'un de mauvais, par exemple. C'est celui dont on a eu un des éléments qui nous montre cela. قوله والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه. الأصل في المسلم العدالة والخير فلا تسيء الظن فلا تسيء به الظن. لهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. Donc il dit, à la base, le musulman digne de ce nom, c'est quelqu'un de droit. Donc il ne faut pas avoir de mauvaises pensées envers quelqu'un sans avoir d'arguments ou d'indices qui te laissent penser du mal. Allah dit dans le Coran le sens « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui. » Car une partie des conjectures, c'est une pensée sur quelqu'un. Une partie des conjectures est péché. Surat 49 verset 12. « Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith. » Le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, attention quant aux pensées, car les pensées sont les plus mensongères, des paroles. فلا تظن بمسلم إلا خيرا ما لم يظهر عليه خلاف ذلك. Ne pense d'un musulman que du bien, jusqu'à ce que tu aies des éléments, des indices, des choses qui te laissent penser le contraire. وإذا عثرت له على خطأ فعليك بسبي السطر. Et si tu trouves à son propos une erreur, quelque chose, un est de mauvais, cache-le, ne le divulgue pas. Man satara musliman, satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah cachera les siens ici-bas et dans l'au-delà. Lakin ma'an nasiha tastur alayhi wa la tafdah wa la tafdahhu. Donc il dit, tout en conseillant cette personne, tu caches ses erreurs, ses défauts et tu ne les montres pas au grand jour, mais en le conseillant. قال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله dit dans le Coran, sourate 24, An-Nur, verset numéro 19, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans le delà. Allah sait et vous ne savez pas. Allah sait et vous ne savez pas. Tant que tu n'as pas de facteur qui te laisse penser du mal de quelqu'un, d'un musulman, tu penses du bien de lui. قال المؤلف رحمه الله وإذا سمعت الرجل يقول. Non. Monsieur, concernant ce verset, là c'était des paroles qui ont été divulguées. Donc là c'est pas des pensées, c'est encore. Yannick, cher, justement, il te dit quand tu penses quelque chose, il faut pas que tu penses du mal d'un musulman si tu n'as pas des éléments. Et même si tu vois quelque chose, et tu penses, et tu as vu, tu as remarqué, لا تفضحه. Tu propages pas ça chez les gens, تنصحه. انصحه يعني ما بينك وبينه, entre toi et lui, tu le conseilles et tu divulgues pas cette mauvaise chose que tu as découvert sur lui chez les gens. Ah, donc c'est pour ça qu'il ramène ce verset. نعم. الآية هذه لها rapport avec قصة الإفك avec عائشة رضي الله عنها quand ils l'ont accusé de la fornication. Mais يصلح ce verset-là, il est général. Ceux qui aiment que la turpitude soit propagée à propos de ceux qui croient. C'est général, yani pour c'est descendu à ce propos-là, mais c'est général pour les autres événements. Donc la mauvaise pensée d'un musulman qui est neutre, yani t'as rien vu. Donc ça c'est un péché, comme il le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. كثير من الظن إن بعض الظن إثم. Une partie des pensées peut être péché. لكن أنت غير مؤاخذ. Tant que, comme on a dans le hadith de l'Arba'in, إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ أو النسيان أو غير هذا الحديث. ما إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل بها وتتكلم. الله pardonne à ma communauté ce qu'elle s'est dit à elle-même. Quelqu'un qui parle avec lui-même dans son fort intérieur, il pense des choses ou il s'est dit des choses tant que elle n'applique pas en conformité ou elle ne parle pas. Ce que tu penses en toi-même, tu n'es pas mu'akhad alayh. Maintenant, le verset qui est descendu dans le Baqara à la fin. Intubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah. Le verset que vous manifestiez ce qu'il y a en vous, que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Le verset hada, il a été lourd pour les compagnons. Ils ont dit, il y a des choses qui se passent en nous que on va dire c'est pas nous qui contrôlons ces choses-là. Comment Allah il va nous juger sur, sauf le verset, que vous manifestez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Le verset, par la suite, est descendu pour leur alléger le fardeau. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Quelque chose qui est en toi, que ce n'est pas toi qui l'a. Tu n'es pas, elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Ce que tu fais, tu es récompensé, ce que tu fais, tu seras châtié. Ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. N'impose pas, ne nous impose pas ce que nous pouvons supporter. Haja que tu ne peux pas supporter, yani, c'est au-dessus de tes capacités. Tu n'es pas... Et comme c'est venu dans Sahih Muslim, sur cette invocation, Allah il a dit, qad fa'alt. Yani, sur ces demandes, ne nous impose pas une charge... ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Toutes ces invocations-là, Allah il a dit, je vous l'accorde. Donc ce verset-là, il efface, il abroge le verset 284. Que vous manifestiez ce qui est en vous, que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Toi, tu es muhasab, tu seras jugé à partir du moment où tu parles. Hein, tu as pensé, tu as parlé. Tu as pensé, tu as agi ou tu as propagé chez les gens. Là, tu seras jugé là-dessus. الله أعلم. وفيك بارك الله. قال المؤلف رحمه الله لوتر دي وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي وإذا سمعت الرجل يقول فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه فلان مشبه أو فلان يتكلم بالتشبيه فاعلم أنه جهمي وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح للتوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فعلم أنه قدري لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع. بابور ديريكتومون ترادكسيون دو شاك فراز. شرح قوله وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي. Quand tu entends quelqu'un, un homme qui dit que un tel fait partie des نواصب, c'est un ناصبي. النواصب هم الذين يبغضون أهل البيت. النواصب, ce sont les gens qui détestent أهل البيت. Qui déteste la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ils appellent Nawasib Nasabul Ida? Ils ont apposé leur haine envers la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والروافض يتهمون أهل السنة بأنهم يبغضون أهل البيت. الروافض, les chiites comme on les appelle en français, ils prétendent, ils accusent les gens de la sunna de détester la famille du prophète. وَمَنْ يُبْغِضُ أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُمْ نَوَاصِبُ. Et ceux qui détestent la famille du prophète, ce sont un nawasib. Donc eux, ils disent, الرافضة, comme ils sont un extrême, ils disent de أهل السنة qui sont au milieu, que ce sont des nawasib qui sont à l'autre extrême. فَعْلَمْ أَنَّهُ رَافِضِي. Si quelqu'un dit ça, Ça, ce qui fait partie des chiites. Parce que c'est ça leur vision à eux. حتى أنهم جعلوا الصحابة نواصب لأنهم يزعمون لأنهم بزعمهم يبغضون أهل البيت واغتصبوا منهم الخلافة. À tel point que ils ont dit que les compagnons eux-mêmes ce sont des nawasib, yani ce sont des gens qui détestent la famille du prophète صلى الله عليه وسلم selon leurs prétentions. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'ils ont ils ont fait acte de violation quant à la khilafa, à la au califat. Le califat, il devait aller à Ali et Abu Bakr, Omar, Uthman. Ils l'ont précédé. هكذا يقولون, c'est ainsi qu'ils disent. قبحهم الله. فالذي يقول إن الصحابة نواصب أو إن أهل السنة نواصب هذا دليل على أنه من الروافض. Donc ceux qui disent que les compagnons ce sont des nawasib, ce sont des gens qui détestent la famille du prophète, ou ceux qui disent que les gens de la sunna ou ceux qui prétendent la sunna ce sont des nawasib, Ça montre que ce sont des rawafid. C'est eux qui utilisent ce type de terme et ce type d'appellation. En réalité, les gens de la sunna ne détestent pas la famille du prophète. Bien au contraire. Bal innahum yuhibbunahum wa yahtarimunahum wa yahfadhuna fihim wasiyyat ar-rasul rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, il dit, les gens de la sunna aiment la famille du prophète et les respectent et préservent la recommandation du messager à leur propos. ولكنهم لا يغلون فيهم غلو الروافض. يعني la recommandation du prophète quand il a dit maintenant في حجة الوداع أوصيكم الله في أهل بيتي. أوصيكم الله في أهل بيتي. Je vous recommande à propos de ma famille. Donc il dit mais أهل السنة لا يغلون فيهم. أهل السنة n'exagère pas à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ghulu wa rawafid. Ils n'ont pas l'exagération qu'ont les rawafid, yani les chiites. Wa yattakhidunahum arbaba min dunillah. Ils n'ont pas déclaré que la famille du prophète c'était des seigneurs en dehors d'Allah. Wa yattakhiduna fihim al-isma. Ils n'ont pas dit que la famille du prophète était déchue de faire une faute. Kama yattakhidu al-shi'a al-ismata li a'immatihim. Yusammunahum al-a'immata al-ma'sumin. Comme les chiites prétendent que leurs imams, leurs guides, ne font pas d'erreur. Et ils les nomment les guides déchus d'erreur. Ahl sunna la ya'taqiduna lahum al-ismata wa la yaghluna fihim. Ahl sunna ne déclare pas cela à propos de la famille du prophète en disant que ils sont déchus d'erreur. Ou bien ils exagèrent à leur propos. Non. Wa innama yunzilunahum manzilatahum. Et ils leur donnent leur place. C'est la famille du prophète عليه الصلاة والسلام. يحبونهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ils les aiment car ils sont proches du messager. ويحبونهم لإيمانهم. Et bien sûr, il faut qu'ils soient croyants. Ceux parmi la famille du prophète qui ne sont pas croyants, on ne les aime pas. فهم يحبونهم لأمرين. Donc ils les aiment pour deux raisons. الإيمان والقرابة. Parce que ce sont des mu'minin, des musulmans, des croyants. والقرابة et leur proximité du messager dans النسب. Dans leur ascendance. أما إذا وجدت القرابة ولم يوجد الإيمان فإنهم لا حب لهم. Si quelqu'un fait partie des proches du messager et ce n'est pas un mu'min, ce n'est pas un croyant, ce n'est pas un musulman, on ne les aime pas. فأبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في النار. L'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم, أبو لهب, c'est l'oncle du messager, c'est le frère à son père Abdullah, et il est en enfer. لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْقَرَابَةِ لَا يَكْفِي إِلَّا مَعَ الْإِيمَانِ. Parce que la proximité dans l'ascendance ne sert à rien si il n'y a pas l'iman, si ce n'est pas un muslim, un mu'min. قَوْلُهُ, l'auteur dit رحمه الله, وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُولُ فُلَانٌ مُشَبِّهُ أَوْ فُلَانٌ يَتَكَلَّمُ بِالتَّشْبِيهِ فَعْلَمَ أَنَّهُ جَهْمِيٌ. Quand tu entends quelqu'un qui dit que un tel fait partie des gens qui font la ressemblance entre Allah et la créature, ou un tel fait partie de ceux qui font la ressemblance, sache que c'est un jahmite. لأن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يرون أن إثبات الصفات تشبيه. Pourquoi? Parce que ces sectes-là, en tête de liste, الجهمية, ensuite المعتزلة, الأشاعرة, الماتريدية, tout ça, toutes ces sectes-là, ils disent que إثبات الصفات تشبيه. Si tu dis qu'Allah il a deux mains, qu'Allah il a deux yeux, etc., c'est comme si tu fais ressembler Allah à sa créature. فيسمون أهل السنة الذين يثبتون لله الأسماء والصفات بالمشبهة. Donc les gens de la sunna, comme c'est connu dans leur conviction, Ils disent qu'Allah il a deux mains, qu'Allah il a deux yeux, comme il s'est attribué ça dans le Coran. Et comme le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a attribué dans la sunna. Eux, ils disent que celui qui dit ça, il a fait ressembler Allah à sa créature, donc il fait partie de ceux qui font ressembler Allah à sa créature. لِأَنَّهُمْ يِثْبِتُونَ الصِّفَاتِ أَوْ يُسَبُّونَهُمْ مُجَسِّمَةً. Ils les appellent al-mujassima, ceux qui ont donné à Allah un corps. لِأَنَّ إِثْبَاتَ الصِّفَاتِ عِنْدَهُمْ يَقْتَضِي الْجِسْمِيَّةَ لِلَّهِ. Parce que eux, ils disent que si tu donnes à Allah ces attributs-là, qui s'est donné lui-même dans le Coran ou dans la sunna authentique, ça fait comme si tu lui as constitué Allah un corps. وَالْأَجْسَامُ مُتَشَابِهَةً. Ils disent les corps se ressemblent les uns aux autres. فَهَذِهِ مَقَالَتُهُمْ. Voilà qu'est-ce que eux ils disent. وَإِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَتَفَوَّهُ بِذَلِكَ يَقُولُ فُلَانٌ مُشَبِّهُ فُلَانٌ مُجَسِّمُ فَعَلَمْ أَنَّهُ جَهْمِيٌّ أَوْ مُعْتَزِلِيٌّ أَوْ مِمَّنْ تَتَلْمَذَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَقِيَّةِ الْفِرَقِ. Donc, si tu vois quelqu'un qui prononce يَتَفَوَّهُ بِذَلِكَ يَتَفَوَّهُ, je vous ai dit hier, ça vient de fouh, la bouche. Quelqu'un qui prononce avec sa bouche ce type de parole en disant un tel fait partie de ceux qui donnent et ressemblant à Allah. Un tel fait partie de ceux qui attribuent un corps à Allah. Sache que c'est un jahmite, ou bien un mu'tazilite, ou bien un de ceux qui se sont tatalmada alayhim, c'est-à-dire qu'il y a un de leurs élèves, un de leurs descendants de cette secte-là ou de ces sectes-là, min baqiyatil firaq, li'annahum ya'taqiduna anna ithbat as-sifat ath-thabita lillah tashbihun wa tajsim. Parce que leur conviction c'est ça. Donc c'est le type de mots qui sont utilisés par ces sectes-là. Qal قوله لوتر دي رحمه الله واذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد وصرح لي التوحيد فاعلم انه خارجي معتزلي. Quand tu entends quelqu'un qui dit parle avec l'unicité, explique-moi l'unicité, sache que c'est un parmi les khawarij ou bien les mu'tazila. لان التوحيد من اصول المعتزله. Pourquoi? Parce que التوحيد chez eux ça fait partie des fondements de المعتزله. Mais attention, التوحيد chez المعتزله c'est pas comme التوحيد chez اهل السنه. C'est quoi التوحيد chez المعتزله? وهو عندهم نفي الصفات. Nafyu as-sifat. Parce que ithbat as-sifat c'est du shirk chez eux. C'est-à-dire que tu dois rejeter les attributs d'Allah. Tu dis Allah il a pas ça, il a pas ça, il a pas ça. Tu as unifié Allah. Fa'indahum anna ithbat as-sifat shirk. Wa nafyu as-sifat tawhid. Tu rejettes les attributs d'Allah. Tu l'as unifié, tu attribues et tu affirmes les attributs d'Allah, tu as commis du polythéisme. C'est comme ça chez eux. La tadhanna أنه يريد التوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة. الشيخ دي ne croit pas que quand ils disent dans ces paroles-là, تكلم بالتوحيد, parle avec l'unicité, explique-moi l'unicité, qui veulent l'unicité qui est voulue chez la sunna, أهل السنة, qui est le fait d'attribuer, de dire qu'Allah c'est le seul à mériter l'adoration, etc. ولكن المراد به عنده نفي الصفات. Ce qui est voulu chez eux, c'est نفي الصفات, c'est le fait de rejeter les attributs d'Allah. لأن إثبات الصفات عندهم يقتضي الشرك ولهذا يقولون القرآن جاء بالشرك لأنه يثبت الأسماء والصفات لله عز وجل. Donc eux ils disent que le Coran contient du shirk, contient du polythéisme. Pourquoi? Parce que le Coran a cité justement les noms et les attributs d'Allah et les a attribués à lui. فهذا قصد الشيخ رحمه الله. Voilà qu'est-ce que veut dire l'auteur Al-Barbahari رحمه الله quand il dit celui qui dit ça, le tawhid, parle avec le tawhid et tout ça, c'est un khariji, c'est un mu'tazili. Ça veut dire ça, rahimahullah. Qasduhu al-tawhid alladhi huwa ala madhhab al-mu'tazila. Amma al-tawhid alladhi huwa ala madhhab ahli sunnah wa huwa ifradullah bil-ibada. Fa idha talabta bayana hadha al-tawhid alladhi huwa ifradullah bil-ibada wa nafyu al-shirk fa hadha la ba'sa bih bal huwa matlabun jalil. Si jamais c'est le tawhid que les gens de la sunnah connaissent, quelqu'un il te dit parle avec l'unicité, explique-moi l'unicité. Le fait de montrer qu'Allah c'est le seul qui mérite l'adoration et que l'invocation et tout type d'adoration qui est vouée autre qu'Allah c'est du shirk, ça c'est quelque chose de noble. Le shirk dit c'est quelque chose de noble. Mais ce que veut dire l'auteur c'est le tawhid chez les mu'tazila, qui est le fait d'attribuer les attributs à Allah. قوله, l'auteur dit ensuite rahimahullah, أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فعلم أنه قدري من أصول المعتزلة أيضا العدل. Parmi les fondements de l'Mu'tazila, il y a également la justice. Wa huwa nafyu al-qadar. Chez eux, la justice, c'est quoi? C'est le fait de rejeter le destin. Li'annahum yaqulun law athbatna al-qadara la wasafna Allah bil-jawr. Pourquoi? Il dit si tu attribues le destin, comme c'est Allah qui a prédestiné ça à sa créature, donc c'est Allah qui a été injuste envers sa créature. Haythu innahu yu'adhibuhum 'ala shay'in qad qaddarahu 'alayhim. Ils disent quoi? Ils disent Allah, c'est lui qui a prescrit sur un tel, par exemple le péché, C'est lui qui a prescrit sur un tel la mécréance, c'est lui qui a prescrit sur un tel kada. Donc, il va les châtier dans l'enfer sur quelque chose que lui-même leur a prescrit. فَنَقُولُ لَهُمْ الشَّيْخِ دِينُ Nous leur répondons en leur disant Allah لَمْ يُعَذِّبْهُمْ عَلَى الْقَدَرِ Allah ne les a pas châtiés à cause du destin qu'il leur a prédestiné. وَإِنَّمَا عَذَّبَهُمْ عَلَى أَفْعَالِهِمْ Il les a châtiés pour ce qu'ils ont commis eux-mêmes. وَعَلَى كُفْرِهِمْ وَشِرْكِهِمْ Pour la mécréance dont ils ont fait preuve, le polythéisme dont ils ont fait preuve. لَمْ يُعَذِّبْهُمْ لِأَنَّهُ قَدَّرَ عَلَيْهِمْ Il les a pas châtiés parce que c'est lui qui l'a prédestiné cela. إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَشِرْكِهِمْ عندكم معصيتهم ولا معصيتهم؟ J'ai perdu le fil. نعم. لا أتكلم أنا عن معصيتهم أنا عندي معصيتهم سينغوت فخب زي بلا مشوز. إنما يعذبهم بأفعالهم وشركهم. معصيتهم. ومعصيتهم. إنما وإنما عذبهم. وين؟ إنما يعذبهم أنا عندي يعذبهم. يعذبهم. عذبهم عندك؟ نفس الشيء pareil le sens c'est le même. عذبهم بأفعالهم يعني الله les a châtiés à cause de leurs actes à eux, à cause de leur shirk, à cause de leur péché, tout ça c'est eux qui l'ont commis. فالجزاء على الأعمال وليس على القدر. La récompense ou le châtiment qui les a touchés, c'est pas parce que Allah il leur a prédestiné telle chose, mais c'est parce que eux ils ont fait du shirk, eux ils ont fait du kufr, eux ils ont fait des péchés, eux ils ont fait ceci cela. فالله لا يثيب أحدا على الأعمال وليس على القدر فالله لا يثيب أحدا لأنه قدر أنه يكون مؤمنا الله ne récompense pas quelqu'un parce qu'il lui a prédestiné qu'il serait مؤمن croyant حتى يؤمن بالفعل ويعمل بالإيمان jusqu'à ce que effectivement il soit croyant jusqu'à ce que effectivement il agisse conformément à l'Iman à comme ils traduisent la foi ولا يعذب أحدا لمجرد أنه قدر عليه فعل المعصية حتى يفعل المعصية ويفعل سبب العذاب. Et également Allah ne châtie pas quelqu'un parce que juste parce qu'il a il lui a prédestiné le fait de faire un péché jusqu'à ce que la personne effectivement elle fasse le péché, elle fasse la cause qui engendrera le châtiment. فالثواب والعقاب منوطان بأفعال العباد. La récompense et le châtiment منوطان منوط يعني مربوط منوط بمعنى مربوط c'est-à-dire que c'est rattaché à les actes des créatures walaysa manutaini bil qadari abadan et il dit donc ces deux choses là c'est à dire le châtiment et la récompense ne sont pas rattachés juste au destin Allah il a prédestiné un telle chose sur telle personne donc il va aller en enfer jusqu'à ce que la personne elle fasse et elle œuvre conformément à ça fa idha ra'aita man yaqul fulanun jabri fa'lam annahu mu'tazili quand tu vois quelqu'un qui dit que un tel fait partie de Al-Jabriya, c'est-à-dire ceux qui disent que la personne elle est forcée à faire telle chose. Hein? Elle a fait tel péché, c'est qu'elle a été forcée. Une force surnaturelle, elle l'a poussée à faire cette chose-là. Sache que c'est un Mu'tazili. لأن المعتزلة يقولون الإنسان حر يخلق فعل نفسه. Les Mu'tazila disent que l'être humain est libre. Il crée lui-même ses actes. وليس مقدرا عليه شيء. Rien ne lui est prédestiné. ويقولون هو الذي فعل هذا بدون أن يقدره الله. Allez, ils disent que c'est lui qui a fait telle chose sans que Allah ne prédestine cet acte ou cette parole. وَيَصِفُونَ مَنْ قَالَ إِنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادِ بِقَدَرِ اللَّهِ أَنَّهُ جَبْرِي Et ceux qui disent, c'est-à-dire Ahl Sunnah, qui disent que les actes des créatures sont créés et les actes des créatures émanent yani du destin qu'Allah a prédestiné, ils disent que c'est un, il fait partie de Jabriya. قَوْلُهُ L'auteur rahimahullah dit لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل البدع Les mots qu'on vient de voir التجسيم والتشبيه والجبرية والنواصب tout ça من الناصبة tout ça ce sont des paroles qui sont nouvelles qui n'existaient pas à l'époque أحدثها أهل البدع c'est les innovateurs qui les ont ramenés من الشيعة comme les chiites والجهمية والمعتزلة أما أهل السنة فلم يدخلوا في هذه الأمور. Les gens de la Sunna ne sont pas rentrés dans ce domaine ou dans ce jeu-là. إلا على مقتضى الكتاب والسنة. Si ce n'est conformément au Coran et à la Sunna. فأثبتوا الأسماء والصفات لله. Ils ont attribué les noms et les attributs à Allah. أثبتوا القدر وآمنوا به. Ils ont affirmé le destin et ils ont cru en lui. ولم يقولوا إنه يلزم عليه الإجبار أو يلزم عليه الجور. من الله سبحانه وتعالى. يلزم عليه الإجبار. الإجبار. Pas l'إجبار. C'est une dhamma normalement. Ils n'ont pas dit que puisque Allah a prédestiné les actes, donc la personne est forcée. Donc Allah est injuste envers la créature. ولم يقولوا إن إثبات الصفات إنه شرك وإنه تشبيه. Comme les gens de la Sunna n'ont pas dit que affirmer à Allah les attributs, les noms, comme quoi c'est du polythéisme, c'est du shirk, ou bien c'est une ressemblance envers Allah à ses créatures. Ils n'ont pas dit ça. لم يقول هذا إلا أهل البدع. Ceux qui ont dit ça, ce sont les innovateurs. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا ولا عن أهل الشام في السيف شيئا ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا ولا عن أهل المدينة في الغناء ولا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. شرح إكسبليكاسيون. قوله عبد الله قول عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك من أتباع التابعين. Il est de l'époque de l'imam Malik, 118-181. Il y a juste à tourner les chiffres. 118 c'est 118, 181 c'est 181, si vous voulez retenir facilement. Abdullah ibn Mubarak, min atba' al-tabi'in. Il a dit, rahimahullah, la ta'khudu an ahli kufa fi al-rafdi shay'an. Ne prenez pas des gens de l'Kufa, en Irak, à propos de al-rafd. Al-rafd, ça vient de al-rawafid, les chiites. Ne prenez rien d'eux. Yanna ghalib al-shi'a innama nasha'u min al-kufa. Pourquoi? Parce que la plupart des chiites, ils viennent, ils sont apparus, ils proviennent de Al-Kufa en Irak. فَلَا تَأْخُذُ عَنْهُمْ مِنْ مَذْهَبِهِمْ شَيْئًا. Donc ne prenez rien à leurs propos au niveau de l'aqidah des Rafida. مِنْ طَعْنِهِمْ فِي الصَّحَابَةِ مِنْ طَعْنِهِمْ فِي الصَّحَابَةِ وَغُلُوِهِمْ فِي أَهْلِ الْبَيْتِ. Il y a une erreur de frappe. C'est طَعْنِهِمْ. Les sahaba, ils critiquent les insultes qu'ils ont envers les compagnons, ne les prenez pas. Wa ghuluwihim fi ahli al-bayt, l'exagération qu'ils ont envers la famille du prophète Ali radiyallahu anhu et les autres, ne prenez rien à ce propos-là. Thumma qala wa la an ahli al-sham fi as-sayf shay'an. Ni des gens du Proche-Orient à propos de l'épée, ne prenez rien également. Dhahiru kalam al-musannif anna al-khawarij yaghlubu annahum min ahli al-sham. Ce qui apparaît des paroles de l'auteur, l'imam al-Barbahari, rahimahullah, c'est que la plupart des khawarij, ils viennent des pays du Proche-Orient. فَقَوْلُهُ فِي السَّيْفِ يَعْنِ الْخُرُوجِ عَنْ وَلِي الْأَمْرِ وَقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ. C'est-à-dire, quand il dit à propos de l'épée, c'est à propos de ceux qui se rebellent contre les gouvernants musulmans et qui combattent les musulmans. لَكِنْ هَذَا فِيهِ نَظَرْ. Mais il dit ça, c'est un point qui est à revoir. لأن الخوارج في العراق وليسوا في الشام. Parce que les khawarij proviennent également de l'Irak, de l'Irak, et non pas du Proche-Orient. أو كان يقصد حربهم مع علي رضي الله عنه. À moins qu'il cite la guerre qu'il y a eu entre eux et il dit parce que pourquoi en Irak? Parce que il y a eu le harb, la guerre entre eux, les khawarij et Ali رضي الله عنه. C'était en Irak. والله أعلم. نعم. ثم قال ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. Et ni des gens de l'Basra. L'Basra c'est aussi en Irak. À propos du destin, ne prenez rien d'eux. لأن الاعتزال نشأ من البصرة. Parce que le Mu'tazila, donc ceux qui disent justement que la créature elle est forcée et que Allah il est injuste envers sa créature, si tu dis yani que il aura réellement prédestiné les choses, donc il dit le Mu'tazila, ils viennent de là-bas, de l'Basra en Irak. Et les soufis également. Ni de Khurasan, c'est comment c'est en français? Arfouj? Ni de cette ville-là, donc, Khurasan, à propos de l'Irja, le Murji'a, ceux qui font primer l'espoir sur la peur. L'Irja n'a pas de Khurasan. وهو من اقطار بلاد فارس. دونك يدي المرجئه ils sont apparus là-bas, cette secte là elle est apparue là-bas, Khorasan, qui est un endroit dans les pays, dans le pays des Perses. وكانت بلادا واسعة, c'est un grand pays, وبلادا فيها علماء, pays qui contenait il y avait des ulama, des savants. وبلادا فيها خير كثير وعادات طيبة لكن نبت فيها مذهب الإرجاء. Donc il dit il y avait beaucoup de bien et beaucoup de bonnes choses, mais الإرجاء il est apparu de là-bas, les مرجئة ils sont apparus là-bas. والإرجاء c'est quoi الإرجاء؟ وإخراج العمل عن حقيقة الإيمان, le fait de dire que les actes ne rentrent pas dans la foi, les actes ne rentrent pas dans l'iman, et ta conviction avec le cœur, il y a plusieurs étapes chez les murji'a, conviction avec le cœur ou bien conviction et tu parles avec la langue, mais les actes ne rentrent pas dans l'iman. فيقولون الإيمان لا يدخل فيه العمل, les actes ne rentrent pas dans l'iman. فالإنسان مؤمن ولو لم يعمل ما دام أنه مصدق بقلبه. Ils disent celui qui croit avec son cœur c'est un croyant, c'est un musulman, c'est un croyant, même s'il n'œuvre rien, il ne fait rien. وبعضهم يقول مصدق بقلبه وناطق بلسانه. Certains ont dit il faut qu'il ait la conviction dans son cœur, il y croit avec son cœur et il prononce avec sa langue. وبعضهم يقول حتى ولو لم يصدق بقلبه ما دام يعرف مجرد معرفة فهو مؤمن. D'autres comme le Jahmiya qui disent que juste si tu reconnais avec ton cœur, même si tu n'y crois pas mais tu reconnais, tu es croyant. والعمل لا يدخل في الإيمان عند جميع فرق المرجئة. Mais ils se réunissent sur quoi? Sur le fait de dire que les actes ne rentrent pas dans l'Iman. الإنسان مؤمن عندهم ولو لم يعمل. هذا مذهب المرجئة وهذا مذهب باطل. Leur idéologie est également fausse. لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. Parce que l'Iman, chez Ahl Sunna, c'est des paroles avec la langue, c'est une conviction dans le cœur et c'est des actes avec les membres. ما يتكون الإيمان إلا من هذه الأمور الثلاثة. الإيمان il est composé de ces trois choses ensemble. لأنه من اعتقد بقلبه ولم ينطق بلسانه فهذا شأن الكفار. Parce que celui qui a une conviction dans son cœur mais il ne prononce pas avec sa langue, c'est ainsi étaient les kuffars, les mécréants. لأنهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Parce qu'ils reconnaissaient la véracité du messager, comme واليهود والنصارى يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Les juifs et les chrétiens, notamment à son époque, reconnaissaient la véracité du messager. ولم يكونوا مؤمنين لمجرد معرفتهم أو اعتقادهم بالقلب دون النطق باللسان. Parce que leur conviction qu'ils avaient dans leur cœur n'a pas fait d'eux des croyants, des musulmans. Ce qu'ils n'ont pas prononcé avec la langue. Comme l'oncle du prophète صلى الله عليه وسلم, Abu Talib, il reconnaissait que son neveu, kada kada, il n'a pas prononcé avec sa langue le shahada, il n'est pas rentré dans l'islam. النطق بالإسلام يكفي ولو لم يعتقد. بعضهم يقول, certains disent, même si tu n'as pas la conviction dans le cœur, mais tu le prononces avec ta langue, ça suffit. يلزم على هذا أن المنافقين أنهم مؤمنون. Avec cette définition, les hypocrites, qu'ils ont dans le cœur quelque chose et qui prononcent le contraire avec la langue, ce sont des croyants. والله جل وعلا نفع عنهم الإيمان. Alors que Allah dit le contraire dans le Coran. قال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Allah dit à leur propos, sourate 48 verset 11, ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. قوله ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا. À propos des Mécois, ne prenez rien concernant les transactions, صرف يعني transactions sur la monnaie. الصرف بيع النقد من نقد لأنهم يتساهلون فيه. الصرف donc transaction sur la monnaie etc, c'est بيع النقد من نقد, يعني le cash contre le cash, les devises, tout ça. لأنهم يتساهلون فيه. Le Cheikh dit parce qu'ils étaient ils étaient négligents à ce point là, sur ce point là. قوله ولا عن أهل المدينة في الغناء لأن منهم من يبيح الغناء. Et à propos des Médinois, ne prenez rien concernant la musique parce qu'il n'y en avait parmi eux qui autorisaient la musique. ولا يرى في الغناء بأسا في الغناء بأسا. Et il disait que la musique, il n'y a pas d'interdiction à son sujet. فلا يؤخذ عنهم في هذا شيء. Donc il dit à ce propos là ne rien prendre d'eux dans ce domaine. قال المؤلف رحمه الله وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن الحضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. انظر تراجمهم في الترتيب في الإصابة بتمييز أسماء الصحابة. Donc il dit, tu peux regarder leur biographie dans le livre de Ibn Hajar al-Asqalani, Tamiz, Isaba fi Tamiz, Asma al-Sahaba. قال فعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. Si tu vois quelqu'un qui aime le compagnon Abu Huraira, Anas ibn Malik, Usayd ibn al-Hudayr, sache que c'est un adepte de la sunna, إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب, si tu vois quelqu'un qui aime Ayyub, Ayyub ibn Abi Tamima, Kaysan al-Sakhtayani, Abu Bakr al-Bisri, Thiqah, ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد مات سنة 31 و100 compagnon qui vient de Al-Basra qui fait partie des grands juristes est mort en l'an 131 وله 65 سنة à l'âge de 65 ans انظر تقريب التهذيب biographie prise de تقريب التهذيب de الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله il dit وابن عون si tu vois quelqu'un qui aime أيوب أيوب السختياني وابن عون ابن عون دي هو عبد الله ابن عون ابن أرطبان أبو عون البصري سيقال ما ديغاك البصرة ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن سان إكيفالون دو أيوب السختياني كومين فوغ على الانستان مات سنة 50 و100 على الصحيح مور على 150 سور لا بارول لا بلو كلير انظر تقريب التهذيب وقاد لا ميم سورس أيوب وابن عون ويونس بن عبيد يونس بن عبيد ابن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع مات سنة 39 و100 مور على 139 دو لجير في بارتي دونك دو أتباع التابعين تقريب التهذيب هذا معروف بالزهد يونس بن عبيد يكوني بور الزهد لاسيتيسم وعبد الله بن إدريس الأودي عبد الله بن إدريس ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي أبو محمد الكوفي يس يبيان دو الكوفة توجور ان إيراك ثقة فقيه عابد ثقة دونك كالكان دو كونفيونس جوريست كالكان دو سيونس اي عابد اي ان ادوراتور مات سنة 92 و100 مورولون 192 دو ليجير وله 72 سنة الاج دو 70 كالكاني ميم سورس تقريب التهذيب والشعبي الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو ثقة مشهور ويلي كونو فقيه فاضل قال مكحول ما رأيت أفقه منه مات بعد المئة مور أبخلان صن دو لجير وله نحو من 80 سنة تقريب التهذيب لاج دا ببخي 80 سنة في بارتي لوي دي تابعين الشعبي ومالك مالك بن مغول مالك بن مغول إدي مالك بن مغول الكوفي ديغاك توجور الكوفة أبو عبد الله ثقة ثبت مات سنة 59 و100 على الصحيح مور على 159 سور لا بارول لا بلو جوست تقريب التهذيب مش قلت أنا؟ مغول ها؟ ابن فتحة إيه مغول أنا أيضا Vous voulez qu'on lit les tarajim ou on passe dessus؟ نعم Très important de connaître Nasado parce que vous les trouvez souvent. Yazid ibn Zuray. Yazid ibn Zuray al-Basri Abu Muawiyah. Thiqatun tabt mat sanat 82 و100. Mort en 182 de l'Egir. Taqrib al-Tahdib. Toujours la même source. Wa Mu'ad ibn Mu'ad. Mu'ad ibn Mu'ad ibn Nasr ibn Hassan al-Ambari. Abu al-Muthanna al-Basri al-Qadhi. Thiqatun mutqin. Quelqu'un de confiance et d'excellence. مات سنة 96 و100 مور على 196 تقريب التهذيب ووهب ابن جرير وهب ابن جرير ابن حازم ابن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري ثقة مات سنة مات سنة ايش؟ 200 أنا عندي سنة كذا و200 يمكن كان شيفر جو كخوا Vous avez quoi؟ Il doit manquer un chiffre sûrement. Wa Hamad ibn Salama. Hamad ibn Salama, Aidan Ma'rouf, ibn Dinar al-Basri Abu Salama, Thiqatun Abid, adorateur, personne de confiance, Athbata, Athbatun Nas, Fithabit, Mata Sanata Sab'in. مات السنة السبعين وستين ومئة مور ان 167 دو ليجير. حماد ابن زيد, حماد ابن زيد العلماء سوفون ديز السفيانين الحمادين. سفيانين سي سفيان ابن عيينة السفيان الثوري. الحمادين سي حماد ابن سلامة سوليكم انفوار حماد ابن زيد. لو دوزيام سي حماد ابن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه. قيل إنه كان ضريرا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب. إلا تسيتي كلي تي ضرير سكو ضرير ضرير سي لافغل الضرير سي لافغل ولعله طرأ عليه يدي سان دوت كو سي كيك شوز كي كيلا كيلا كيلا يو كور دو سا في يعني لا بيردو لا فيو. بوركوا لأنه صح أنه كان يكتب. Car certains ont rapporté comme quoi c'est quelqu'un qui écrivait. Quelqu'un qui ne voit pas, il ne peut pas écrire. Mata sanata tis'in wa sab'ina wa mi'a. Sanata tis'in wa sab'ina wa mi'a. Mort en 179. Walahu ihda wa thamanuna sana. À l'âge de 81 ans. Donc Hamad ibn Zayd, il est mort. Hamad ibn Salama, il est mort en l'an 167. Et Hamad ibn Zayd, il est mort en l'an 179. C'est ça, hein? نعم. دونك سيدي معاصرين دول الإمام مالك. ومالك بن أنس. مالك بن أنس. إلي باسي دوسيو باسكو مالك بن أنس إلي كونو. سي دات سي 93-179. والأوزاعي. الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عبد الرحمن. نعم. عبد الرحمن بن عمرو ابن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو الفقيه. ثقة جليل. مات سنة 70 و50 و100. مور 157. أيضا معاصر للإمام مالك. وزائدة ابن قدامة. زائدة ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي ثقة ثبت صاحب سنة. مات سنة 60 و100 مور 160 وقيل بعدها إلى يتديك لي مور un peu après. فاعلم أنه صاحب سنة يعني quand tu entends quelqu'un qui aime ces gens là sache que c'est un adepte de la sunna. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل يشي تشوفوا كركان كيام الإمام أحمد والحجاج بن المنهال. الحجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي مولاهم البصري ثقة فاضل. مات سنة 16 أو 17 ومئة مغنى 116 و117. وأحمد بن نصر. أحمد بن نصر قال الذهبي في سير أعلم النبلاء الإمام الكبير الشهيد أبو عبد الله أحمد بن نصر ابن مالك ابن الهيثم الخزاعي المروزي ثم البغدادي كان أمارا بالمعروف قوالا بالحق قتل ظلما سنة 31 و100. Il a été assassiné en l'an 131 de l'Hégire. وذكرهم بخير قال بقولهم فعلم أنه صاحب السنة. Quand tu vois quelqu'un qui cite tous ces gens-là et leurs équivalents en bien, sache que c'est un adepte de la Sunna. الشيخ الفوزان dit وفقه الله وإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان محبة الصحابة عموما واجبة كما سبق. محبة الصحابة عموما واجبة. Aimer les compagnons en général c'est obligatoire. Les compagnons على العموم. شيخ الإسلام dans la Mia il dit حب الصحابة كلهم لي مذهب. Aimer tous les compagnons c'est ma voie. ومودة القربة بها توسلوا. Et les proches du محبت الصحابة كلهم لي مذهب. Aimer tous les compagnons c'est ma conviction. Notre mia dans la mia. Donc il dit aimer les compagnons dans la généralité c'est obligatoire. كما سبق وهي من الإيمان. Ça fait partie de l'Iman de la personne. لكن هناك أفراد من الصحابة طعن فيهم أهل الأهواء. Mais il y a des compagnons que les innovateurs ont mal parlé sur eux d'une manière plus spécifique. Mithlu, comme Abu Huraira, radiyallahu anhu, rawi al-hadith. Comme Abu Huraira, radiyallahu anhu, alladhi rawa ahaditha kathira an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui a rapporté beaucoup de hadith. On a dit Abu Huraira, c'est parmi les sept compagnons qui ont rapporté le plus de hadith, il est en tête de liste. C'est le compagnon qui a rapporté le plus de hadith sur tous les compagnons confondus, 5300 et quelques. عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم يغيظهم حفظ السنة. Ça les enrage les innovateurs, la préservation de la sunna. فلذلك أبغضوا أبا هريرة بسبب عنايته برواية الحديث. C'est pour ça qu'ils ont détesté Abu Huraira, parce que il s'est adonné à rapport des hadiths. وحفظه على الأمة كثيرا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغضوه من أجل هذا. Donc ils l'ont détesté pour cette raison. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. Anas ibn Malik, donc c'était celui qui était servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. Dès qu'il arrive à Médine, sa mère elle l'a ramené et il a servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à sa mort. Wa Usayd ibn al-Hudayr al-Ansari, un compagnon parmi l'Ansar, fahum yubghiduna ha'ula, ils les détestent, liannahum yanqimuna alayhim ba'd al-ashya allati ikhtassu biha min al-fada'il. Pourquoi? Parce qu'il y a certains mérites qu'ils avaient, ces compagnons-là, que yani les innovateurs, ça leur plaît pas que ils ont ces compagnons là ont ces mérites là duna ghayrihim min sahabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa idha ra'ayta ar-rajula yuhibbu ayyub wa mna'un wa yunus ibn ubayd wa abdullah ibn idris al-awdi wa ash-sha'bi wa malik ibn mighwal wa yazid ibn zuray' wa mu'ad ibn mu'ad wa wahb ibn jarir wa hamad ibn salama wa hamad ibn zayd wa malik ibn anas wal awza'i wa za'id ibn qudama fa'lam annahu sahib as-sunnah. Quand tu vois quelqu'un qui aime toutes ces personnes là parmi les tabi'in et les suiveurs des tabi'in, sache que c'est un adepte de la sunna. Yannaha ula min ruwati sunna. Ce sont des gens qui ont préservé la sunna. Min huffad al-hadith. De. Wa ulama in jarhi wa ta'dil. Parmi les ulama de la critique et de l'éloge, qui ont fait attention à ceux qui ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam des informations. Est-ce que c'est des gens de qui tu peux prendre ou pas? Vous avez vu dans les biographies à chaque fois, Hafid rahimahullah, il cite Fulanun thabt, Fulanun thiqa, Fulanun kada. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui raffermi dans sa mémorisation, etc. Ce sont des ulama de l'jarh et de l'ta'dil. Celui qui les déteste, déteste ce qu'ils ont fait. La préservation de la sunna et le fait qu'ils ont fait attention à cela. Bi asanidiha wa riwayatiha wa raddu al-kadhib wa al-wad' anha. Yani le fait qu'ils ont fait attention aux chaînes de rapporteurs et qu'ils ont démontrer les mensonges ou les gens qui inventaient des choses sur les messagers, etc. فهم لم يبغضوهم لي إلا لعملهم في السنة هذا العمل الجليل الذي حفظ الله به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني ils ont détesté, yani les gens de l'innovation, ils ont détesté ces gens-là parce qu'ils ont préservé la sunna de tout ce qui aurait pu s'y introduire parmi les mensonges des menteurs, etc. إلا لعملهم. نعم أنا عندي نفس الشيء إلا لعملهم صححوا فين فتحة شغل عين إلا لعملهم في السنة. قوله وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. هؤلاء هم الأئمة الذين امتحنوا على القول بخلق القرآن. يديس في صمولا. Ce sont des gens qui ont été mis à l'épreuve quant au fait de dire que le Coran il est créé à l'époque de Al-Ma'moun par les Mu'tazila. Fa'abaw an yaqulu bidhalik, ils ont refusé de dire cela. Ahmad ibn Hanbal, Hajjaj ibn Minhal, Ahmad ibn Nasr et d'autres. Donc ils ont été mis à l'épreuve. Fa'abaw an yaqulu bidhalik fi waqt Al-Ma'moun wal Mu'tasim wal Wathiq. Imtahanouhum bisabab Al-Mu'tazila, à cause des Mu'tazila. Lian Al-Mu'tazila saru hashiyatan lil-khulafa. Les Mu'tazila, ils entouraient les gouvernants à cette époque-là, en Irak, et ils leur demandaient donc de mettre à l'épreuve les gens, et notamment les savants de la Sunna, pour les forcer à dire que le Coran il est créé. وَصَارُوا مُسْتَشَارِينَ لَهُمْ. C'était des consultants, des gouvernants. فَأَثَّرُوا عَلَيْهِمْ وَأَدْخَلُوا عَلَيْهِمْ مَذْهَبَ الْاِعْتِزَالِ. Donc, ils leur ont instauré la conviction de Mu'tazila wa aftawhum bi ilzam an-nas bil qawl bi khalq al-Qur'an. Et ils leur ont décrété qu'il fallait obliger les gens à dire que le Coran est créé. Fa hasalat mihnatun 'azima. Il y a une énorme épreuve. Waqafa minha al-Imam Ahmad al-mawqif as-salb wal-jabal ash-shamikh. Et resté quant à cette épreuve d'une manière salb, yani c'est le fait d'être très solide, et le jabal ash-shamikh c'est la montagne qui est dressée. La montagne énorme dressée. وَلَمْ يَقْدِرُ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. Ils n'ont pas pu le forcer à dire cela. بل صمد ووقف وصبر على العذاب والإهانة والسجن. سجن avec une كسرة avec une فتحة. Donc l'imam Ahmed رحمه الله وغفر له, il est resté droit et il a patienté sur la torture, sur l'avilissement et sur la prison. حتى نصر الله به هذا الدين, jusqu'à ce qu'Allah a secouru cette religion. وقمع به هؤلاء الزنادقة, et qu'il a c'est-à-dire qu'il a avili, rabaissé, écrasé. ومن العلماء من قتل مثل أحمد بن نصر وغيره وابن نوح. Il y a des ulama qui ont été tués suite à cette épreuve, comme il dit celui-là, Ahmad ibn Nasr et ibn Nuh, Muhammad ibn Nuh ibn Maymoun ibn Abdul Hamid ibn Abi al-Rijal al-Ijili al-Ma'ruf walidu bil-Madrub kana ahad al-Mashhurin bis-Sunna wa mimman thabata fil-Mihna talabahu al-Ma'mun ma'a al-Imam Ahmad wa jama'a fa mata bit-Tariq sanata 218 tarikh Baghdad. Il dit donc, lui il est mort sur la route, comme c'est connu dans le récit, Ibn Nuh, il est mort sur la route, l'imam Ahmed sallallahu alayhi, il a prié sur lui le janaza, et il l'a enterré, il a continué le chemin. Il est mort la même année que Ma'moun. Ma'moun il est mort en 218. فَقُتِلَ مِنْهُمْ أُنَاسْ أَبَوْ أَنْ يَقُولُوا بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَقَتَلُوهُمْ. Donc différentes personnes, différents ulama ont été tués suite à cette épreuve. وَالْإِمَامُ imam Ahmed عَذَّبُوهُ. Imam Ahmed a été torturé. وطالب المعتزلة بقتله. معتزلة comme Ibn Abi Duad, Ahmed Ibn Abi Duad, il a demandé à ce que l'imam Ahmed soit exécuté. لكن الله نجاه من القتل وعصم الخليفة من قتله. Mais Allah l'a sauvé de l'assassinat et il a fait en sorte que le gouvernant ne l'exécute pas. لكنهم عذبوه وآذوه. Mais ils l'ont torturé rudement. فصبر على ذلك حتى أيده الله بالمتوكل ابن المعتصم. فقد رفع عنه المحنة وأكرمه وأعزه وأظهر السنة رحمه الله. Il dit donc, jusqu'à ce que le quatrième gouvernant, il y a le Ma'moun, ensuite le Mu'tasim, son frère, ensuite le Wathiq, et ensuite le Mutawakkil. Mutawakkil, c'est un surnom, le Mutawakkil. Mutawakkil Allah, c'est pas son vrai prénom. Lui, là, il lui a redonné la suprématie à l'imam Ahmed. وهذه سنة الله أن الفرج يأتي بعد الشدة. Inna ma'al usri yusra. Donc il dit, c'est ainsi que les choses sont faites. Allah a voulu que l'univers il évolue de cette manière-là. Après la difficulté, il y a la facilité. Mihna, c'est une épreuve. Va rajouter quelque chose là-dessus. On s'arrête là, inshallah. On continuera la semaine prochaine. Hada wallahu alam. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.